son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bonne à la familia. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end sous la flotte. Ah ouais, samedi, c'est tombé grave. Hein. En tout cas, aujourd'hui, côté météo, ça va être mitigé. Hein. De la flotte en début de matinée avec pas mal de nuages. Et normalement, les éclaircies devraient arriver cet après-midi. Demain, soleil. Ah, demain, c'est grand soleil pour tout le monde. Hein. Les températures ce matin de 2 à 5 degrés. On ne dépassera pas les 8 degrés. Belle journée. Courage à vous qui allez bosser ou alors qui reprenez le boulot comme Carole aujourd'hui qui reprend le boulot. Après 6 mois sans taf, et ben voilà, c'est reparti pour elle. Ben, bon courage Carole. On est en direct ce matin, 96.2 FM. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Dímelo, Africa. Let's go, DJ

Et ça devrait s'améliorer dans l'après-midi. Par contre, demain, journée ensoleillée et vraiment ensoleillée. Que du soleil prévu au programme. Et puis les températures ce matin, 2 petits degrés, 4 degrés du côté de Montargis, Blois, 5 degrés à Orléans. Et puis dans l'après-midi, on va quand même monter jusqu'à 8 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon réveil, coucou à Pascal qui est connecté du côté d'Olivet. Salut Francky, belle journée. Bon réveil à toi aussi avec Brian Adams qui arrive. Et ça, c'est pour le meilleur des souvenirs, histoire de vous rappeler quelques bons moments. Stylé, bah ouais, Robin des Bois, la bande originale. Des souvenirs, la bande originale de Robin des Bois. On s'y croirait un peu hein, dans le film heureux. Monsieur Farléa qui est connecté du côté de la radio. Salut la famille Farléa, on les salue au passage. Et puis Colonel Riel qui arrive avec les bons souvenirs. Et toutes les nuits, coucou à André aussi qui vient de se réveiller. Direction le taf pour moi ce matin. Bah ouais, c'est pas terrible, mais on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur. Voici De Nomer et Soledad. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Comme matelot se souvient de ceux qui s'y seraient plongés. Moi je me rappelle encore, je n'ai pas renoncé. Assis de l'autre côté du mur, je vois ces gens passer. Comme une caricature dans le jour effacé. On se retourne un matin, on se réveille ailleurs. Avec des ailes au bout des mains, ni moins bon ni meilleur. Et cette main qui me tient, comme l'on se souvient, nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour n'aime pas naître. J'attendais juste quelque chose, je suis passé par là. Mais le bassin était vide et la grille était close. Je me suis installé dans ce matin. Restez là. Et cette main qui me tient, comme l'eau se souvient, nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour n'aime pas naître, comme l'eau se souvient d'un corps qui s'y serait plongé. Moi je me rappelle encore, je n'ai pas renoncé. À quelque chose en plus, à quelque chose en moins, comme l'eau qui se rappelle, comme l'eau qui se souvient. Nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître. Nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître. 7h25, 8h moins le quart, l'horoscope qui arrive avec le son de Florent Pagny, histoire de vous réveiller tout en douceur. José qui est sur la route, il y a Antoine aussi qui est connecté, il y a Monsieur Dadou qui est là, hein, ouais, d'accord, il y a du monde ce matin. Kevin Kinvé avec sa petite sœur Lorelai, vous la connaissez, la petite sœur de Lorelai, et ben ce titre a été écrit avec sa petite sœur. Coucou à la ville de Blois qui nous écoute aussi, ça nous fait plaisir de vous retrouver ce matin, 7h25 en direct. Je vous disais, la météo pas terrible hein, de la pluie malheureusement aujourd'hui, des nuages, le soleil devrait faire son apparition, mais normalement demain hein, le soleil sera bien au rendez-vous. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Voici Lorelai, la petite sœur de Kinvé avec Kevin. Thank you. important. J'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour porter la vie à pleine dans ses selon mes idées. Je vis mes envies pleines. Non, j'ai bien essayé de changer de passé mes vêtements. Comme changerai ces événements. Pour ne pas regretter, je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner, je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Pour ne pas regretter, je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. De Kevin Kinley avec Kevin, hein, la vie du bon côté, il faut la prendre tous les jours, on est en direct, ça me fait plaisir, c'est Francky dans la radio. On va être là jusqu'à 9h et l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre avec les béliers ce matin. Laissez mûrir vos réflexions avant de parler à votre partenaire. Les taureaux, vous aurez l'occasion de tirer de justes conclusions sur le passé. Les gémeaux, en famille, la communication ne sera pas votre fort aujourd'hui. Les cancers, attention, certaines personnes n'hésitent pas à profiter de votre gentillesse. Les lions célibataires, laissez-vous aller à vos envies, vous êtes sur un petit nuage ce matin. Les vierges, vous renouez résolument avec le plaisir. Rien n'arrêtera votre bonne volonté. Les balances, un orage risque d'assombrir votre ciel sentimental aujourd'hui. Les scorpions, vous rêverez d'horizons nouveaux. Vous aurez l'occasion de vous défaire d'un doute qui vous déstabilisait. Les sagittaires, vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous à un autre monde sans restriction. Les capricornes, entouré de vos amis, vous allez passer une très très belle journée aujourd'hui. Les Verseaux, vous pourriez vivre un coup de foudre sur un site de rencontre. Ah bah pourquoi pas. Les Poissons, un fort élan de passion se manifeste, mais d'une façon ou d'une autre, vos amours restent cachés aujourd'hui. Ah là là. C'est pas bien les Poiscailles. Despacito, la version qu'on a remixée pour vous avec Luis Fonsi des The Yankees. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. L'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, non, ce sera tout à l'heure. Et il sera dans les studios de la radio pour nous parler de son roman policier. Cénabum sera là en exclusivité. Ouais, il vient de temps en temps et ça nous fait plaisir de le retrouver encore ce matin à 8h15, 8h30. Un bec hors de l'eau, un bon roman policier d'Orléans. Ben ouais, on vous en parlera aux éditions Book Edition. Dans nos studios, Cénabum, à ne pas rater l'interview tout à l'heure, 8h15, 8h30. Du son carré, bien on adore. Une version que j'aime bien de Johnny qui est reprise par le Tainos. C'était en 2012 et j'adore cette version de Omari, version un peu latina, histoire de bien vous réveiller ce matin à 7h34. On vous souhaite une très bonne journée. Coucou à Dodo, Dorothée. Dodo, elle s'appelle Dodo, Dorothée, qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Voici Tainos et Omari, la version latina. María, si tú supieras cómo están las cosas aquí afuera, que lloraría si tú me vieras la careta que bota candela. Mari, yo te quiero, Mari, yo te adoro, lágrimas en mis ojos porque no te veo. Lloro si estoy solo, lloro acompañado. Mari, ya no me controlo, quiero tenerte a mi lado. Wow, wow, wow, quiero tenerte a mi lado. Wow, wow, wow, ya no aguanto. Oh Mari, tú no sabes el penal que yo pasé. Oh Mari, quiero volver entre tus brazos otra vez. Herrera City, Guanabacoa, San Jorge, Bayona. Si estamos lejos de ustedes, es que estamos en busca de la paca. Dinero, pero nos vemos pronto. Reggaeton, ah, son latino de Johnny, un petit clin d'œil pour aussi Jojo, hein. Et ouais, par Tainos. Oh, Omari, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Coucou à José. Coucou à André qui est connecté. Salut, Monsieur Mendoza aussi qui est là, qui nous écoute depuis le Portugal. Salut à toute l'équipe de Portugal 45. Bah ouais, salut le Portugal, bon dia à la famille. Si vous êtes au boulot comme Monsieur Faria qui est là, salut Monsieur Faria. Ah bah si, j'ai décidé, c'est déjà démarre. Ficar aqui. explicar-te de todas as maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Acabou. Eu vou me embora, baby, é o melhor pra mim. Eu não consigo mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. J'ai décidé, ce matin qu'on était là pour vous réveiller. Merci d'être aussi nombreux le matin sur Orléans, Olivier, Saint-Jean-de-Bray, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, Cléry-Saint-André, Blois aussi. On nous écoute sur la ville de Blois et on les salue. Tours aussi qu'on nous écoute. Et puis depuis le Portugal, sur le réseau internet, hein, vous nous écoutez, Radio France et Orléans. Allez voir le site, hein, il est magnifique, le nouveau site de la radio. On adore. Danakil, non, rien de rien. Une belle reprise, je ne regrette rien. Ça, c'est mon coup de cœur de la matinée. Spéciale dédicace pour vous qui allez au taf ce matin. Belle journée et bon réveil. Je n'ai plus besoin de balayer les amours, yeah. Avec leur trémolo, each and every day, now come with you. Balayer pour toujours, swinging right along the way. Je repars à zéro. I have no regrets, gonna love you, baby. Non, rien de rien. I'll make it there for you. Non, je ne regrette rien. Whenever you call the line, I tell you. Ni le bien. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma

sem trabalho a demora. O que se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, te vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu me sofrer. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Visitando cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser bom. Qui sera bientôt notre invité au téléphone, on Lusitano. Salut Edouard, salut Coucou qui est connecté. Salut Daniel, on est en direct ce matin et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Le meilleur des souvenirs. Les années 90, ah forcément, ça vous rappelle de très bons moments. Vous qui êtes sur la route, là peut-être sur la tange avec Demi Hines. It's alright, it's okay. To take it slow. Counting to three and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trick the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy. Cause I see what you want shining. Is the game. What I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy. Cause I see what you want. It's ok, 7h55, aujourd'hui c'est la journée mondiale de Tintin. Et ouais, tout le monde a lu forcément, ouais, chez lui, un Tintin de Hergé, bah oui. Justement, quel est votre meilleur BD de Tintin? Bah vous m'appelez, tiens, 02 38 43 48 00. Et puis, les souvenirs à la radio le matin, comme ça pour vous porter jusqu'au bureau, hein, histoire de passer de très très bons moments ensemble, avec Daniel Balavoine. Et ouais, on adore. Mon fils, ma bataille. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Tura, tura, tura, tura. Daddy Yankee au réveil, ça fait du bien sur la tangentielle. Salut à Steph qui est connecté. Salut Francky sur les bouchons, hein, la galère. Mais non, on est là avec Rayos del Sol. Mais justement, le soleil n'est pas là aujourd'hui. Mais demain, promis, sera là. Ah ouais. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux, grise, rare, pas beau. Quelques petites averses de pluie, malheureusement. Le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi. Par contre, demain, je vous le promets, normalement, une journée ensoleillée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les températures sont fraîches ce matin, au lever du jour du côté d'Olivet, Saint-Jean-de-Bray, 5 degrés. Et on va pas dépasser les 8 degrés. Mais bon, on est là pour vous donner le rayon sur le sol avec la poubella cozza, Forza Italia. Si, Umberto Rossi. Ramazzotti, belle journée et bon réveil sur la radio couleur. Com'è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un bicchiere di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché l'amore di cuore lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immersa quando vuoi, grazie di esistere. Che non passa con gli anni miei, la voglia infinita di te. Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Ce matin, le son Controller des Jarlux Mackenzo Remix, du son que vous avez réveillé. Coucou à la ville de Blois qui nous écoute aujourd'hui avec les Daft Punk. Ça y est, ils sont plus séparés, non? En fait, ils sont toujours ensemble. Avec Get Lucky, belle journée et bon réveil. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. All night to get lucky. We're up all night to the sun. season has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. En direct ce matin, ça fait plaisir de vous retrouver avec Get Lucky, les Daft Punk. Non, non, ils sont pas réconciliés, hein. Apparemment, ça y est, c'est bien fini. Hein. Notre invité, dans quelques minutes, ça sera Cénabum en direct avec un bec hors de l'eau, book édition, roman policier, on va en parler avec lui, il est en train de signer des bouquins, il est juste arrivé dans la radio. 8h14, justement, les auditeurs, du côté de la radio, on aura des livres à vous offrir cette semaine, tiens. Ah, ouais, sympa quand même, ça fait plaisir. Cénabum est notre invité dans moins de 10 minutes, un bec hors de l'eau. De la suspense avec la police. On va en parler avec lui qui est en train de faire un petit roman là. 10 signatures en direct, ça me fait plaisir de le retrouver. Un habitué des lieux hein, depuis 5 ans. C'est Cénabum notre invité. Juste avant, c'est Danny Ocean. Por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Tiempo. Mami, hay tiempo. Tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo. Tiempo. Baby, hay tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Sigue, guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndotelo. como te gusta, baby. Le matin sur Arc-en-Ciel. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. En direct, il est notre invité dans moins de 3 minutes. C'est Nabom dans les studios de la radio. Un bec hors de l'eau. Un roman policier. Ah, qui va vous donner l'eau à la bouche, je pense, ce matin. Et vous donner envie de lire ou de relire, peut-être. Et parce qu'il vous en offre, justement, en direct ce matin à la radio. Ça me fait plaisir qu'il soit là. Dans les studios, dans moins de 3 minutes, il est là. C'est Nabom. Il est bien ancré dans les studios de la radio. Un invité surprise, des fois, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'il me surprend, des fois. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de le recevoir et on est heureux de le retrouver sur Radio Arc-en-Ciel ce matin juste après Craig David Walking Away. C'est Nabom, notre invité dans 3 minutes. I've said or done. Ce matin avec Craig David, Walking Away, un bec hors de l'eau, un roman policier qu'il vous faut, qu'on va vous offrir justement ce matin et cette semaine. Notre invité, Cénabome, est dans les studios, on l'accueille tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et quel invité? Un habitué des lieux. On est une des seules radios, d'ailleurs, on va dire qu'il l'autorise à l'avenir. Alors, je sais pas, d'autres radios t'invitent pas, Cénabome? Bonjour. Bonjour. Tiens, baisse un peu le micro si tu veux, voilà. T'es des grands. Ils t'ont raccourci le siège, c'est pour ça, ouais. C'est fou, ça. Dès que t'arrives, ça y est, les techniciens, ils te coupent le siège. Ouais, puis ils sont nombreux, hein. Ouais, ils sont nombreux. On est nombreux. Une grosse équipe, ici. Ah, ici, une grosse équipe. On est 200-300 à peu près. Ah, si on avait les gros budgets, ouais, on pourrait être 200-300, peut-être pas. Hein. Ouais, mais quand ils ont des gros budgets, ils m'invitent pas. Alors. Bah voilà, c'est ça. Mais ils pourraient t'inviter, en tous les cas, ils vont regretter un jour, moi je te le dis. Oh, bah tu sais. Tu verras. Il y a même une émission sur la Loire, sur une certaine radio verte, ou jaune, je sais plus bleu. Exactement. Radio bleue. France Bleu, bon, on peut le dire, hein. C'était potes? Jamais invité. Ils t'ont pas invité, franchement? Je les contacte alors pour leur demander. Il y a Catherine Caen qui me reçoit avec plaisir, mais bon, c'est la seule exception notable. Notable. Cénabome, toujours présent sur cette belle ville d'Orléans, le bonimenteur. Bonimenteur? Ou en un seul mot? Oh, en un seul mot. Comme Bonnie and Clyde, mais là. Sinon, je ferais de la politique. T'aurais pu faire de la politique. Ah oui, mais bon, je crois à ce que je dis. Alors, c'est la différence. C'est exactement ce que tu dis, puis tu l'écris bien, justement. Là, on va parler de romans policiers. Aux éditions, si je me trompe pas, Book Edition, c'est ça? En fait, c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition, c'est toi. Et puis, c'est de l'édition à la demande, donc j'ai pas de stock. Ouais. Et je ne gaspille pas, je commande que quand on me demande des livres. Voilà. Alors, un bec hors de l'eau. Alors, j'ai hésité à écrire cette O. O, comment? Tu l'as écrit comme l'eau, L-E-A-U, oui, hein, avec l'apostrophe, bien sûr. Ça se passe sur la Loire, mais ça aurait pu être hors de l'eau, L'apostrophe O. Ouais, comme c'est Orléans. Je sais pas. Le grand O d'Orléans, tu sais, on les voit sur le O ridicule d'Orléans. Ouais, ridicule. Pourquoi ridicule? Parce que c'est que de la communication, et plus on réduit le langage, plus c'est ridicule. Moi, j'adore quand tu viens à la radio, parce que plus c'est ridicule. Ça clash. T'es un peu comme Yves Baudard, ça clash, et j'adore. J'adore ce genre de personnage. Ouais. Donc, c'est un roman à la gloire de ses tenants du O, majuscule, puisque j'assassine, je fais mourir le 8 mai 2022 un adjoint au maire qui sèche le grand défilé joannique pour aller faire le fou en jet ski sur la Loire. Ah ouais, carrément. Voilà. Et tout en découle, et il y a un drame qui se joue, on est obligé d'arrêter les fêtes, le feu d'artifice est annulé, tout tombe à l'eau parce que voilà. C'est et l'enquête va dévoiler tous les dessous de cette farce. En tout cas, un beau roman qu'on va vous offrir cette semaine sur Radio Arc-en-Ciel. Merci déjà de nous avoir offert les bouquins pour les auditeurs. Hein. Ah oui, alors les auditeurs, je leur ai mis une dédicace. En plus, va falloir qu'ils coupent la radio et qu'ils fassent quelque chose d'assez curieux, qu'on n'a plus l'habitude de faire, qu'ils ouvrent le livre et qu'ils déchiffrent un à un les signes pour donner du sens. Ça s'appelle la lecture. Voilà. Oui, et il faut lire de temps en temps. Et ça fait du bien. Oui, oui, hein, oui. Un roman policier écrit en 18 jours. Oui. Ah vache. Alors tout a débuté. Comment t'as fait pour écrire aussi rapidement, on va dire? C'est au sortir du confinement. T'en as qui écrivent des bouquins pendant un an. Oui, mais moi, d'un j'ai an, écrit deux ans. Ouais. J'écris entre 5000 et 10000 caractères par jour. Mmh. C'est un rituel. Là, j'ai dû interrompre le texte que j'avais commencé ce matin pour lire à l'heure. Ah oui, puis c'est le bordel, Orléans. Il y a un bordel. Oh là là. Voilà. Et donc j'ai de quoi alimenter. L'édition, si je pensais qu'il y avait une quelconque chance que mes livres soient vendus, mais c'est pas le cas. Donc, hein. Tu trouves pas de... Ah ben j'essaye même pas. J'ai une grande librairie d'Orléans. Après, si tu sais pas, tu pourras pas trouver. Hein. Qui a reçu un ami qui venait commander mes livres et on lui a dit que c'était pas possible. Mmh. Quelques temps après, ce sont les archives d'Orléans ou du Loiret, je sais plus, qui sont allés dans cette librairie pour le demander. Alors là, ils se sont précipités, m'ont écrit pour leur... pour que je leur porte, mais je leur ai dédié gentiment, puisque c'est la mode avec la les mots élégants de notre président d'aller se faire foutre. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas mettre ce livre dans les librairies d'Orléans. Une petite phrase qui me fait sourire, à défaut de leur voler dans les plumes et en guise de prise de bec, il vous propose ici un polar facétieux. Hein, irréventieux et totalement foutraque. Voilà. On peut traduire. Alors oui, c'est foutraque parce qu'il a été écrit en 18 jours parce qu'un ami m'a demandé de participer à un concours d'écriture. Fallait écrire un polar à la manière de San Antonio. Mmh. C'était assez délicat pour quelqu'un qui n'a guère lu San Antonio. Mmh, c'est clair. Et puis qui ne respecte jamais les codes. Donc je n'ai pas respecté les codes du roman policier. Inutile de dire que je n'ai pas été retenu pour le concours. Et c'était dommage parce que c'était pour Fleuve Noir. Ça m'aurait amusé de publier ce roman à Fleuve Noir. Mmh. Puisque la Loire, là, est baignée de sang. Mais c'est ça. C'est ça. Pas... C'est ce que tu dis. Oui, oui. Et puis, donc, je l'ai écrit rapidement. Puis après, je l'ai gardé sous le coude parce que je voulais le publier pour 2022. Parce qu'on va célébrer le 1000e anniversaire du premier bûcher. Justement, tu dis c'est écrit, hein, je le lis. Ça va, j'ai encore des bons yeux. Oui. Attention, ce livre s'autodétruira le 28 décembre 2022. Ça sera le 1000e anniversaire du bûcher où 12 chanoines de la cathédrale d'Orléans sont passés sous les flammes. Oui. Parce qu'ils souhaitaient que l'Église s'amende et que le pouvoir devienne plus humble, moins fastueux. Donc c'est resté à la mode. Ils ont brûlé pour rien. On est toujours sous une monarchie avec une Église qui dépense moult argent. Oui. Hein, et les prélats se prélassent pendant que les pauvres curés essayent de parcourir les diocèses avec une petite voiture. Alors voilà, donc le 28 décembre 2022, j'irai brûler les quelques livres qu'il me reste, place du Mar 3. Il faudra que la grande roue s'arrête un peu pour pas nous déranger. Ouais, parce que là, ça serait assez cire que cette grande roue. Par contre, ce jour-là, il faut que tu viennes à la radio le matin. Tu les brûles à quelle heure? Ah bah le soir. Ils appelleront leurs escouades policières. Ah bah tu vas m'empêcher de faire ça. Tu vas choper la municipale, mon ami. Hein. Mais moi je vais être là. Je vais venir ce jour-là. Faut que le matin tu viennes à la radio et le soir contre là-haut. Hein. Qu'on aille brûler ça. Ouais, on va appeler Yves Bodard, s'il veut venir avec nous, il sera content. Si je pense, hein. Oui. Alors, dans ce bouquin, tu ne t'épargnes pas non plus. Hein, un peu ridicule. Hein, toujours, c'est pas toujours les autres non plus. Eh bien, bien sûr, il toi faut. Aussi. On me reproche cette ironie, ce persiflage, mais je me le sers d'abord à moi-même. Mmh. Ces gens-là comprennent pas. Ils ont une telle image d'eux-mêmes qu'ils sont inaccessibles à l'humour. Hein. En tout cas, un bouquin bien écrit. Ouais. Oh bah c'est la délicatesse. Hein, tout en délicatesse, ça taille un peu. Hein, ça. Voilà, puis je mets en scène des amis. D'ailleurs, il y en a un qui fête son anniversaire et qui est un des c'est personnages. C'est aujourd'hui. Oui, comment il s'appelle? Gaëtan. Bah Gaëtan, on lui souhaite un bon anniversaire en direct. Gaëtan des Joutes. Ah, les Joutes. Il y a longtemps que j'ai pas été aux Joutes. Hein. Je crois que la dernière fois j'avais 10 ans, je crois. Tu vois, donc. Il faut y aller. Mais là, il faut attendre la saison. Ouais, maintenant il caille un peu hein, pour aller faire les Joutes là. Mais le Jouteur craint l'eau froide. C'est assez curieux. Beaucoup d'amis dans le bouquin, alors. Bah oui, puis des ennemis aussi, non? Oui, aussi. Pas forcément des ennemis avec un grand rime. Mais ils sont cachés ou ils sont multiples derrière un prénom, s'en cache plusieurs. Justement, c'est un roman à clé, mais il faut un trousseau. Hein. tes amis ont lu le bouquin? Beaucoup d'amis. Alors, quelques-uns. En lumière. On me dit que c'est le mieux écrit de tous. Alors, c'est assez flatteur, mais c'est sans doute le plus facile à lire. Justement, il y a ma copine, ma femme, qui m'envoie un message en me disant ramène le bouquin à la maison. Bah voilà, on va le ramener ce soir. Bah, je crois qu'elle aime bien les romans. Donc, elle me dira. Ouais, bah je te dirai, elle aime bien bouquiner en plus. Mais comme. Par exemple, j'aurais pas un seul article dans la République du Centre, puisqu'ils ont refusé. Mais pourquoi les médias te boycottent, entre guillemets? Je sais pas si on peut appeler ça boycotter. Non, mais non. Nous, on est une radio libre, hein, ici, on le sait. Ils ne me considèrent pas, c'est tout simple. Mais pourquoi? Moi, je trouve que c'est des sujets intéressants. Le rôle du bouffon ne peut pas être compris. Bah si, justement, ça. Et comme on dit, ça fait vendre du papier, des gros titres, là, Cénabum, un bouquin. Non? Non. Faut pas fâcher le pouvoir. Ça dépend. S'il y a des jours où ils ont rien à faire, des semaines, il n'y a pas de gros titres, il pourrait être contacté. Quand même, non, mais là, je ne l'aurais même pas envoyé, mais le guide d'Orléans, ouais. Okay, mais je raconte 2200 ans d'histoire de la ville d'Orléans, du Val d'Orléans, le précédent, et ils n'ont pas voulu faire d'article. Est-ce que ce n'est pas un manque d'idées de leur part, ou alors... Non, c'est un manque de culture. De culture, hein. D'idées aussi, de tout comme, le monsieur Loire. Et peut-être un peu d'égo, non? Ils ont peut-être un peu d'égo, se disant, bah non, c'est pas moi qui le fais, donc si ça vient de cet album, j'ai pas envie. Non, mais non. Non? Non, ils n'ont pas les moyens d'avoir ces idées-là. Oh, il est fort, c'est d'abord, il est très fort. Un bec hors de l'eau, et c'est ce qu'on me demande, Steph qui me dit, pourquoi un bec hors de l'eau? Ah, eh ben, il faut lire. Ah, bah là, ah, bah, lire. Il faut lire, et pour avoir le livre, il n'y a qu'une librairie qui a une exclusivité mondiale. C'est autant des livres à Sully-sur-Loire. Et ben voilà. Voilà, exclusivité mondiale. Je me permets de faire ça, personne d'autre le fait. Ouais. Alors, il faut aller, parce que c'est une formidable librairie. À Sully, voilà. Ouais. Aurélie et son équipe font un boulot merveilleux. De la lecture. Alors voilà, ils ont l'exclusivité mondiale. Et puis sinon, faut me joindre par Facebook, par mail. C'est l'album. Et je livre le livre, je viens pas conter des histoires. Eh ben en plus, il vient chez vous, il vous ramène le bouquin et il vous raconte une histoire avec autour d'un café. Hein. C'est l'album sur Facebook, je le dis, ça C'Nabum. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage un peu mystérieux, parce que c'est vrai que la première fois que tu as reçu la radio, je te trouve un peu mystérieux. Maintenant, on est un peu des amis, hein. Et puis j'adore quand tu viens à la radio. On peut raconter un petit peu le début du bouquin ou pas? Eh bien, pour ceux qui vont le gagner justement cette semaine à la radio, je leur donner envie. Ouais, leur donner envie. Le 8 mai 2021. Au milieu de la Loire, on découvre un homme avec un bec de héron planté dans la jugulaire, mort, à côté de son jet ski. Et il se trouve que c'est un adjoint du maire d'Orléans qui a séché les fêtes joanniques. Ouais, d'accord. Voilà. Et voilà. Donc, la suite. Par là, est-ce que c'est le héron qui l'a tué? Est-ce que c'est ces bandits, là, ces gens qui sont si odieux qu'ils ne vont pas voir le défilé, qu'ils font du canoë sur la Loire, ou d'autres encore. Peut-être. Les pistes seront multiples. Mmh. En tout cas, les répercussions seront nombreuses. La ville, le clergé, le diocèse vont être chamboulés par cette histoire. Bah, une belle histoire. Alors, comme tu dis, on peut se fournir à Sully-sur-Loire cette librairie, mais aussi à la radio cette semaine. Hein, voilà, il faut répondre à des questions. Ouais, cette semaine, on va vous faire gagner ce bouquin, vous qui êtes fan de romans policiers notamment, avec Un bec hors de l'eau, écrit par Cénabum en quelques jours. Je sais pas comment t'as fait, mais il faut être fort quand même pour écrire un bouquin comme ça en si peu de temps. Les idées te viennent comment, Cénabum, aujourd'hui? Alors là, l'idée vient d'un personnage aussi qui est dans le roman, qui s'appelle Gérard. GG. Hein, et Gérard avait assisté, en même temps que moi, à une scène incroyable. Juste au sortir du premier confinement, un gros 4x4 arrive au Châtaignier, descend la cale, avec derrière lui un énorme jet ski. Alors moi, je commence mon sketch, le monde d'après est exactement le même que celui d'avant. Regardez ce type, il y a un interdit sur les jet skis, et avec la complicité de tous, car on sait bien que c'est interdit, mais que la police et les autorités ferment les yeux sur les jet skis. Mmh. Le type va polluer, avec son batillage va retirer les frayeurs, va détruire des poissons. Et je faisais le sketch et les gens tout autour de moi, les gens qui traînaient, parce que la fin du confinement appelait à être dehors, prenaient parti pour lui, l'admiraient, sa réussite sociale, les belles dames qu'il allait transporter, parce qu'elles étaient séduites par le bel engin. Ah oui, le beau jet ski et puis le beau 4x4. Alors, Gérard qui m'accompagnait m'écrit le soir... J'ai trouvé un concours d'écriture où il faut faire un roman policier, mais je lui dis, qu'est-ce que veux que je fasse un roman policier? J'ai pas le temps, je suis pas capable. Mm-hmm. Il dit, t'as qu'à tuer l'homme de jet ski. Oh, j'ai une bonne idée. Et voilà. Et donc, tout est venu comme ça. Et voilà. Une belle histoire. En tout cas, tu donnes nous à la bouche, hein. Et puis quand c'est parti, bah, faut le faire tout de suite, quoi. Donc, en 18 jours. T'as écrit. C'était écrit. Un chapitre par jour, des règles précises, 10 000. Fallait que je tienne en 300 000 caractères, donc j'ai essayé de diviser ça pour que chaque chapitre fasse la même longueur. Et puis après, j'ai glissé un conte ou deux, des textes sur Orléans, des choses comme ça, qui placent vraiment ce roman dans son histoire et dans la description du fonctionnement de cette ville. Autour des bourgeois de barrique, comme je les appelle. Les bourgeois de barrique, tu me fais rire. Les personnes incriminées, on va dire, entre guillemets. Ils sont au courant? Ben non. Non? Mais de toute façon, lire est au-dessus de leur force. Ah oui. Mon guide d'Orléans, par exemple, il y a quelqu'un qui est nommé Monsieur Loire. Pierre-Jean de la Taille. Ça ne doit pas être ça, mais c'est comme ça que je l'appelle. Ouais, d'accord. Eh bien, il n'a jamais feuilleté ce guide d'Orléans. Alors qu'il se prétend Monsieur Loire. Et c'est d'ailleurs... je suis un peu fâché avec lui, parce que mon nom ne figurait même pas au programme du Festival de Loire. Ah, ça c'est pas normal. Il m'a envoyé, parce que je l'avais apostrophé, il m'avait envoyé une réponse outragée, mais ce n'est qu'une erreur de nos services. Ah bah dis donc. Oui, mais sauf que l'erreur des services avait eu lieu déjà 2 ans auparavant. Ah oui, donc c'est... Alors, tous les 2 ans, quand on répète l'erreur comme ça, c'est rendre service aux persifleurs. Oui, hein? Mais bon, les erreurs... Alors depuis, j'attends les excuses de ce monsieur, il me les fera pas, donc c'est devenu un ennemi public. Numéro 1. Non, pas numéro 1, faut pas lui faire cet honneur, il n'est rien. Donc dans 2 ans, tu ne seras pas au Festival de Laurent encore. Ah ben je sais pas. En tout cas, je serai pas au programme. Dommage. Je continuerai à amuser les passagers, mais loin des scènes, parce qu'il faut pas, que je sois sur la scène. Hors scène. Ah ben oui. Hein. Ben, c'est pas la scène, c'est la Loire. C'est la Loire. C'est hors lumière, on va dire. Même pas, c'est hors des oreilles que je pourrais froisser. Parce que ils ont des pavillons assez fragiles, les gens d'Orléans. C'est assez curieux. Et des tympans qui éclatent au premier gros mot. on te trouve un peu... là-dessus, tu es négatif quand même, par rapport à Orléans. C'est ce qu'on nous dit. Oui, bah écoutez, il y a T'as pas envie de voir un peu de positif Ah ben si, mais c'est une ville formidable. Ouais. Il faut lire le guide d'Orléans. Il faut le lire. Le guide d'Orléans, oui. Et on comprend à la fois que cette ville a un passé extraordinaire, une richesse. Elle a un peu constitué l'histoire de France, mais dans le même temps, ceux qui détenaient le pouvoir d'Orléans, à Orléans, n'ont jamais intégré l'idée qu'il n'était pas capitale de France. Et que ça fait un complexe fort des élites orléanaises. Le peuple n'y est pour rien, le peuple a été laborieux, le peuple a travaillé dans des conditions souvent épouvantables quand ils étaient dans les raffineries sucrières, quand ils étaient sur le quai, quand ils étaient les gobeux qui tiraient les trains de bateau, les charretiers, tous ces petits métiers, tous ces gens humbles qui ont fait l'histoire d'Orléans au profit de quelques élites qui se sont enfermés dans un catholicisme de façade, en effaçant par exemple toute la période protestante, en effaçant les crimes de la Saint-Barthélemy, en effaçant ce crime des hérétiques d'Orléans en 1022. Ouais. Ils sont tous voués uniquement à Jeanne d'Arc, qui place la ville, et c'est surtout ses élites, dans un contexte qui ne fait plus aucune place aux persifleurs, aux guépins, alors que la tradition de la ville était autour de ces humoristes qui piquaient, qui au 18e et 19e siècle, on a eu toute une école. Et là, ils ignorent. Il faut surtout pas froisser leur col et leur chemise, et surtout leur veste qui a tendance à se retourner. C'est d'abord un bouquin qui va certainement remettre des pendules à l'heure. Un bec hors de l'eau. Oh non, nulle pendule. Non. Le balancier ne va que dans un sens chez moi. Le mauvais. Le mauvais, voilà. En tout cas, je suis content de te recevoir ce matin avec ce bouquin, ce roman policier que vous pouvez gagner sur la radio Arc-en-Ciel cette semaine, offert par toi. Merci beaucoup pour ce petit cadeau. Joli voilà, cadeau. Il faut leur donner une question. Ah ouais, on va leur donner une question. Vas-y, je te laisse une question sur ce que tu veux, sur le bouquin. Sur quelque chose qu'on n'a pas dit. Cette semaine, justement. Qu'on n'a pas dit. Ouais. Quel est le jour précis où les hérétiques d'Orléans sont arrêtés? Je te soufflerai la réponse au coin de l'oreille. Il faudra que tu quittes ton casque. Ouais, on va en antenne, de toute façon. Si vous avez la réponse, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. 02-38-43-48-00. Et puis, j'aurai le plaisir, et puis Cénabum aussi, de vous offrir cette semaine le bouquin Cénabum. Un bec hors de l'eau. Un roman policier à lire, à relire, à re-relire et à prêter à vos amis. Quand on aime Orléans autrement qu'à travers les bourgeois de barrique. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, il faut être positif, parce que c'est une formidable histoire. La Loire est somptueuse, et elle a façonné toutes les légendes qui traînent dans ce pays. Un bon dimanche ce matin. Notre invité aujourd'hui, merci d'avoir accepté cette invitation. On vous rappelle pour le contacter si vous voulez le bouquin, Cénabum sur Facebook, vous tapez C plus loin Nabum, N-A-B-U-M, un bec hors de l'eau, le roman policier, il vous le livre chez vous, et ça c'est vraiment sa patoche. Un dernier mot à rajouter. Oui, surtout ne passez pas par Amazon, ça serait m'humilier. Ah ouais. Donc on n'utilise pas ce genre de choses. Ouais, voilà. Donc on va à Autant du Livre à Sully, ou alors je passe vous porter le livre, ou je l'envoie par la poste. Voilà, sympa aussi. Oui. Un dernier mot. Pas par une messagerie. Non, pas de la poste. Non. Service public. Service public, non. Un dernier mot, c'est d'abord à rajouter avant de se quitter à 8h44 minutes. Oh, un dernier mot. L'époque est tellement formidable avec ces élections qui arrivent. Quelques mots. J'en fais des entêtes. Quelques mots. Un petit conte. Une petite phrase. Oh, non. Une phrasée. Un petit texte. Ah bah oui. Voilà. Un petit texte. Allez. Que tu nous as concocté. Je le sors parce que je suis incapable. J'en écris tellement que... Tous les jours, d'ailleurs. Cénabum ce matin en direct à 8h15. Voilà, pour horrifier les bourgeois de barrique. Allez. Voilà que le langage excrémentiel remplace soudain les saillies habituelles. Du palais à la langue de bois nous arrivent des mots et des formules en pleine dérive. Alors que les humoristes sont tous en panne, un dignitaire ouvre les ovanes de son majestueux trône. Il pousse si fort que le peuple tout entier s'offusse du butor. Jamais jusqu'alors, dans l'illustre royaume, des mots souillèrent ainsi notre idiome. Mais depuis que ce feluqué nous méprise, l'insulte est gravée dans notre devise. Afin que ce si délicat personnage, arrivé au terme de son premier voyage, emporte à nouveau son glorieux siège, sans qu'il ne s'enlise dans le moindre piège, il faudra, lors de la prochaine consultation, modifier le réceptacle des élections. Désormais, les urnes étant obsolètes, nos bulletins glisseront dans une sanisette. Tout à son triomphe, le noble emmerdeur s'adresse solennellement à ses électeurs. La nation exsangue se trouve au bout du rouleau, la République dépose alors son fardeau. Les professions de foi serviront de lingettes, ce sera la mission des suffragettes. Le candidat, dans sa grande délicatesse, exige qu'on s'incline devant ses petites fesses. Bravo. C'est délicat, hein? C'est très délicat, hein, c'est voilà, sympa. Voilà, mais j'essaye d'être aussi délicat que les élites au pouvoir. Là, je me mets juste à la place des auditeurs qui sont dans les voitures, dans les bouchons, hein, notamment sur la tangentielle. Ça s'appelle un crime de lèse-majesté, c'était puni de la roue. Alors si, au lieu de me brûler place du Martroi le 28 décembre, on m'écartèle, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on y sera le 28 décembre. On sera avec toi, là, 2022, pour brûler le bouquin, et tu seras à la radio le matin, j'espère, pour nous en parler. Eh ben oui, il faut prendre rendez-vous. Ouais, bah, on a le journal. Je note ça sur mon agenda. Ah bah non. Ton agenda électronique. Ah non. Je sais bien. Au crayon. Cénabum, on vous rappelle le livre, Un bec hors de l'eau. Cette semaine, on va vous faire gagner votre bouquin. On rappelle la question, Cénabum?